fais des compositions originales en français, braque tous les projecteurs sur ton projet musical en participant à la 25e édition des Francouvertes. Pour cette année anniversaire, le concours vitrine de toutes les musiques t'offre plus de visibilité que jamais, en plus de courir la chance de gagner de nombreux prix. Tu as jusqu'au 5 novembre pour briller de mille feux en visitant lefrancouverte.com pour connaître tous les détails et t'inscrire. Les Francouvertes, une présentation de SiriusXM. Passionné de l'info? Choc.ca souhaite agrandir son équipe de journalistes numériques. Sujets éclatés, reportages ponctuels écrits et audio et ouverts à tous les niveaux. Tu veux en savoir plus? Écris-nous ou suis-nous sur la page Facebook de Choc.ca. Le Festival international Nuit d'Afrique présenté par TD vous donne rendez-vous du 27 septembre au 31 octobre. Pour cette 34e édition spéciale, découvrez gratuitement 8 concerts en ligne. Des concerts diffusés en live sur notre page Facebook. Les jeudis 8, 15, 22 et 29 octobre dès 20h. Restez connectés. Chaque semaine, on vous dévoilera la programmation en ligne. Plus d'infos sur festivalnuitdafrique.com. Je soutiens la réussite des jeunes. J'assure la sécurité alimentaire. Je facilite l'accès à un logement convenable. Je brise l'isolement social. Je bâtis des milieux de vie rassembleurs. J'aide une personne sur sept dans le Grand Montréal. Je donne à la campagne Centraide UQAM. Centraide.uqam.ca. Vous écoutez une émission de Choc.ca. Allô, allô, allô! Bonjour et bienvenue à Deux Fifs le matin, votre podcast coquin et votre seul et unique radio poubelle homosexuelle de gauche. Allô! Parlant de poubelle homosexuelle, moi, mon nom est Jess PVM, concierge, bipolaire, somme, non-binaire, et désormais, pour faire apparaître mon patronus, je m'imagine pitcher les livres de J.K. Rowling dans un gros calice de feu de joie. Wouhou! Toujours en l'ordure rose, moi, c'est Charlie, puis j'ai mangé du pain à l'ail, mais mon beurre à l'ail avait tellement d'ail, mon haleine était dégueulasse. Toxique au point que mon haleine a retweeté J.K. Rowling. En plus, t'as pu la sentir dans ton masque toute la journée. L'enfer. Puis, On n'est pas tout seul! Aujourd'hui, on est avec Florence Ashley-Paré, juriste, bioéthicienne, militante et, selon moi, funniest person on the internet. Oh, ben merci. Je suis pas sûr que j'ai mérité ce titre-là encore, là, mais j'essaie. Mais pour vrai, aller la follow sur Twitter, c'est quand même un laugh riot à chaque jour. Moi, I have no choice but to stand. Enfin, que c'est quelque chose qui se passe sur Twitter. Fait que Florence, comment ça va? Ah, écoute, ça va mal. Il y a du discours sur Twitter, il y a les élections américaines, écoute, ça me surprendrait pas qu'il y ait même un scandale, chose de même, je sais pas, mais ça va pas. Ça va pas. Puis de notre bord, Jess, comment ça va? Toujours aussi mal. Toujours aussi mal. Toujours aussi mal. J'ai l'impression de baigner dans une piscine de vinaigre après m'être fait piquer par plein de petits maringouins. Ouais, la vie est un sable mouvant et on est rendu en dessous du menton. Ah, moi, je me pousse ça à la tête. Donc, aujourd'hui, on fait du shameless turf bashing pour en finir avec leur propagande transphobe de merde et leur accaparement du discours féministe. On discute de c'est qui les turfs et c'est quoi leur agenda, la place récente qu'elles arrivent à gruger dans le mainstream et on vous laisse avec un cours 101 de comment troller des turfs pour votre petit plaisir personnel. Fait que on s'en va se chercher un café, ma foi, absolument trans-inclusif et on vous revient over-caféiné. Mais là, ça veut dire que je vais savoir pour le reste de mes jours que vous allez même pas vous chercher du café pour de vrai. Effectivement. Oui, tu pourras pas le unlearn. Tu vas avoir du gros gossip sur deux fifs après. Alors, on est de retour avec notre café trans-inclusif. Yes. Peu importe ce que cela signifie. Peu importe. Gars, ils discriminent pas. Okay. Ils discriminent pas ce café-là. À l'inverse des TERF, oui. Dont l'acronyme vient du terme anglophone Trans Exclusionary Radical Feminist, donc des féministes radicales qui excluent intentionnellement les personnes trans. Oui. L'appellation viendrait apparemment de féministes trans-inclusives qui voulaient se distinguer de celles qui pratiquent intentionnellement cette exclusion-là des femmes trans du mouvement féministe. Est-ce que c'est vrai ça? Florence, je sais que tu avais une take là-dessus. Est-ce que ça vient vraiment des féministes, le mot turf? Ouais, fait que dans le fond, fait que j'ai parlé avec la fille qui a comme coined le term, mais honnêtement, je me souviens plus c'est quoi son nom, mais elle me suit sur Twitter. Fait qu'on avait chatté l'autre fois. Fait qu'on avait chatté l'autre fois, puis parce que j'avais dit justement que ça venait de quelqu'un qui était comme une rad femme inclusive, puis elle m'a corrigé, elle a dit, ben. Techniquement, je suis pas rad femme, c'est juste que j'ai comme full d'amis rad femme, puis je voulais que mes amis rad femme inclusives soient plus se distancier des grosses méchantes. Fait qu'elle a inventé un nouveau mot pour distinguer les grosses méchantes rad femme des rad femme cool qui étaient ses amis. Fait que ça vient semi deux autres. Fait que ça vient comme semi deux autres. Tu sais, c'est comme dans, c'était dans des. Ça a été comme inventé sur Internet, là, tu sais, dans genre style, dans des forums, des affaires là-même, là. Oui. Listen, we love that. Mais justement, désormais, avec l'Internet, toutes les situations pas possibles qui en découlent, il semblerait que les TERFs veulent plus se faire appeler des TERFs en clamant qu'il s'agit d'un slur ou d'un terme discriminant. On en pense quoi de ça? Ouais, what the fuck? Ouais, c'est vraiment weird comme idée parce que c'est juste comme ah, oh, mais non, mais c'est parce que les gens utilisent ça de façon négative. Mais il fait comme ben oui, mais comme le mot sexiste puis raciste, là. C'est parce ouais, c'est que ça. C'est le mot fit. Mais là, ils veulent s'appeler gender critical. Puis c'est comme vous ouais. êtes critique de quoi exactement? Genre, comme, hein? Genre, je sais pas, c'est weird, mais en même temps, gender critical, ça a l'avantage de pas prétendre être féministe. Ouais. Oui. Et de pas prétendre être radical. Fait que, oui. Tu sais, y a aussi Veronica Ivy qui anciennement utilisait le nom Rachel McKinnon, qui a essayé de partir FART, qui est Feminist Appropriating Reactionary Transphobe. Wow! Les fart! Pour vrai, let's make it a thing. I want them to be fart. Moi, je suis comme un peu comme... Je suis un peu tiraillé sur les deux parce que oui, fart, c'est drôle, mais turf, ça a l'avantage que tu peux faire le jeu de mots swerf and turf. Oui. Swerf étant sex worker, exclusionary, radical, féministe. Qui sont ça des féministes contre les travailleurs du sexe. Oui, oui, oui, oui. Tu sais, on dirait, tu sais, les grosses TERF dans le monde, c'est comme toutes des personnes qui sont à boulot, travail du sexe, ouais, comme ouais, full ouais. genre, qui sont comme full hostile aux travailleurs du sexe, tout ça. Fait comme ça marche bien ensemble, tu sais. C'est drôle, on dirait que ça vient avec un espèce de conservatisme latent sur des enjeux de sexualité et de genre. C'est, je dis ça, je dis rien, là. Ben écoute, je dis ça de même, mais la reine des TERF, c'est Janice Raymond qui a écrit Transsexual Empire, je vais dire en 79, la première version. Puis écoute, elle a été sœur au couvent avant de devenir lesbienne radicale. Oh, elle a une Dieu. Maîtrise en théologie, puis sa directrice de doctorat, c'était une théologienne féministe qui a écrit un livre sur Dieu. Fait que, je dis rien, mais si on regarde dans les sources Mais ça me fait penser, avez-vous vu le mème, c'est une madame conservatrice sur Internet qui a une petite cible en carton dans le front. Incroyable. Puis elle a écrit... C'est comme ça, être une femme conservatrice en 2020. Puis il y a quelqu'un qui a répondu en dessous, t'as tout à fait raison parce que c'est une fausse cible, puis tu l'as mis là toi-même. Oh, c'est excellent, là. Puis en plus, elle, c'est comme une... Je me souviens plus c'est quoi son nom, mais comme c'est une vraie... C'est comme c'est une vraie TERF qui est comme vraiment comme active et tout. Fait que c'était particulièrement drôle qu'elle se fasse call-out de même, là. Mm-hmm. I mean, c'était parfait comme moment, là, c'est tiré dans le pied, là. Mais tu sais, surtout tout le truc avec genre TERF, c'est un slur, puis elle veut plus se faire appeler de même, puis tu sais, je trouve que c'est contradictoire parce que c'est ce qu'elles font, elles excluent les femmes trans et les personnes trans en général, mais ça fait du sens parce que de toute manière, peu importe la situation, les TERF cherchent tout le temps à se présenter comme victimes, en fait. Elles sont toujours victimes mais de quelque chose. Leur truc rhétorique, c'est de dire ouais, mais on n'exclut pas. Les personnes trans, on inclut les hommes trans parce qu'on pense que c'est des femmes. Oh. C'est cringe as fuck, là, tu sais. Alors que. Oh. Celle-là, je te l'ai entendue full de fois, là, sur les réseaux sociaux, pis tout ça, pis je suis comme. Mais non, mais en même, écoute, même J.K. Rowling le dit, celle-là. Wow. Et elle en dit des affaires, elle. On va y venir au prochain segment. Oui, on va en parler de J.K. Ah, elle, on y fait la passe, là. Ah oui, Avada Kedavra, Dolores, toutes les kits. Mais la force stratégique des TERF, c'est quand même de se proclamer comme porte-parole des féministes. Puis d'opposer le féminisme au lieu de trans comme si il était incompatible ou même ennemi. Ouais. Puis en quoi cette logique-là, ben, non seulement ne tient pas la route, mais aussi est absolument dangereuse? Ouais, fait que c'est intéressant dans la mesure où, je veux dire, c'est quel féminisme qui était contre les personnes trans? Parce que, tu sais, quand Beth Elliott était vice-présidente de son chapitre de Daughters of Bilitis, puis quand Sandy Stone était dans le collectif Olivia Records, qui est un collectif de production musicale radicale lesbienne, je veux dire, puis aussi quand t'as une gang de genre de bikers, rad femmes qui sont allés protéger Sandy Stone avec leur corps quand se faisait envoyer des menaces de mort, je veux dire, c'était pas, tu sais, c'était des féministes radicales, là, tu sais, ils ont pas, mais les TERF essaient de comme relire le passé en faisant semblant qu'elles portent l'étendard d'un féministe qui a toujours été là, ce qui est absolument pas le cas, puis tu sais, on le voit aussi dans les féministes noires, puis tout ça, dans Patricia Williams, dans The Alchemy of Race and Rights, qui est un des grands livres de Critical Race Theory, parle des liens qu'elle a tissés avec une étudiante trans qui était allée la voir pour avoir un peu comme du support, tout ça. On voit, il y a un bel article dans Turf Wars dans lequel j'ai publié, dans le fond, c'est un livre qui est sorti en Angleterre, mais qui a un peu du monde de partout. Puis il y a un des articles qui est sur l'Afrique et le mouvement Turf, qui parle de comment que justement, dans beaucoup de l'Afrique, les mouvements féministes sont beaucoup plus axés sur la solidarité et tout ça. Et l'idée d'avoir un mouvement TERF est un peu étrange dans ce contexte-là. Il y a un peu une projection des TERF qui essaie de penser que toutes les gens sont de leur avis, ce qui n'est pas le cas, même qu'ils vont souvent utiliser des personnes comme Catherine McKinnon puis Andrea Dworkin, qui sont comme des grands noms du féminisme radical et qui, bien qu'ils ont des positions assez moches sur le travail du sexe, n'étaient pas du tout TERF et les deux étaient vraiment en faveur des personnes trans. Mm-hmm. Ils l'ont même répété à plusieurs reprises depuis. Fait qu'il y a un peu d'essayer de changer la donne et... le danger là-dedans, c'est que dans la mesure où ça convainc les gens, puis c'est facile à convaincre parce que dans les médias, tu vois pas une représentation qui est juste du féminisme. Dans les médias, ce qu'on voit, c'est des gros médias super transphobes qui vont publier full de TERF. Puis ça joue sur la transphobie des gens aussi, tu sais, parce qu'ils se disent comme, ah ben, of course, étant donné que le monde est transphobe, on a raison. Puis t'es juste que, ouais, mais non, tu sais, si tu vas parler au nom du féminisme, vous êtes une frange conservatrice, puis pas rapport, là. C'est-à-dire que vous pouvez pas clamer que la majorité des féministes sont intentionnellement transsexuelles. C'est-à-dire qu'il y a un truc où, genre, on peut comprendre que, ben oui, il y a une partie du féminisme cis qui est. Moins équipés pour se solidariser des luttes trans, mais qui sont pas a priori contre. Là. Non, c'est ça. Puis ça a le double, ça a l'espèce de double impact que soudainement, quand une féministe TERF prend la parole, ah ben là, la société a soudainement besoin de s'intéresser au féminisme. Ah, il y a une féministe qui parle contre les personnes trans, eh bien maintenant, je suis féministe. C'est un peu ça qu'on voit dans les médias. Oui, non, c'est ça. Puis écoute, puis c'est vraiment c'est intéressant. Puis je pense qu'à un moment donné, il y a ce lien-là aussi qu'on le voit dans, au niveau de l'argent. Et il y a beaucoup de groupes TERF qui reçoivent du funding de la part d'organisations religieuses conservatrices aux US. Wow! Et qui sont... Puis tu sais, c'est pas... Puis je sais que ça a l'air un peu conspiracy theory quand tu dis ça de même, là, mais comme... C'est même pas vraiment caché, là. Il y a des vidéos de ces personnes-là dans des conférences sponsorisées par des gros, par des affaires comme Heritage Foundation aux US, des affaires comme ça. Tu sais, c'est pas vraiment particulièrement caché. Puis en plus, il y a aussi des personnes qui sont des ex-TERF qui ont comme un peu révélé le côté borderline culte des associations TERF qui vont souvent être qui sont particulièrement un peu des, je veux dire, il y a une certaine discipline interne qui se fait, puis ils savent, puis ils acceptent le fait de travailler avec des groupes conservateurs. Je dis pas qu'ils sont comme overjoyed de l'idée, mais tu sais, ils savent, puis ça les dérange pas tant que ça. Ouais, assez trash, là. Puis au final, c'est quoi aussi les grandes contradictions qui traversent le discours des TERF? Parce que, tu sais, c'est pas juste un truc de ils ont pas raison puis c'est horrible ce qu'elles font, mais il y a aussi des contradictions inhérentes à se dire féministe mais se désolidariser de plein de femmes. C'est, je veux dire, c'est trash au niveau de leur exclusion des femmes trans à plusieurs niveaux, mais un des problèmes, c'est un peu cette vision essentialiste de du corps sexué. Ouais. Où ils vont voir que, dans le fond, souvent, ils vont dire « Ah, ben les femmes trans ne peuvent pas vraiment être des femmes parce qu'elles ne sont pas opprimées à cause de leur appareil reproducteur. » Là, tu es comme, ouais. Mais comme tu fais de toutes les femmes cis qui ont pas, qui peuvent pas avoir d'enfants, ouais. Ou qui ont pas, donc qui sont intersexes et qui n'ont pas de canal vaginal, ou qui sont, il y a un grand spectre de... Ouais. De femmes cis qui ne rentrent pas dans cette vision-là, mais en plus, ça, je pense qu'il est souvent un peu grave, c'est que ça fait une hiérarchie entre les oppressions donc misogynes valides. Donc, ouais. L'idée où ce qui définit le sexisme, c'est l'oppression basée sur la reproduction, puis tout le reste, c'est pas le cas. Fait que qu'est-ce qui arrive quand on regarde la misogynie envers les lesbiennes? Qu'est-ce qui arrive quand on parle, ouais. De tout le sexisme qui est comme 98% de sexisme qu'on voit à tous les jours, qui est pas basé du tout sur les fonctions reproductrices? Parce que, regarde, qui va se montrer... Ouais. Moi, je sors dehors, je me vends pas à vulve à tout le monde, là. Ça va, là. Non? Non, puis... Non? Mais moi, je vais au dépanneur la graine à l'air. Mais il y a aussi un truc où, genre, c'est fou parce que même la deuxième vague est vraiment dans un truc de désessentialiser le féminisme, de dire que c'est une solidarité de classe opprimée qui est pas sur une base de génitalité, puis de sortir de ça, puis d'être vraiment plus dans... Non, ils ont même l'hypocrisie de dire arrêtez de fixer ça sur la génitalité. Mais elles le font, c'est comme une contradiction tellement grosse comme le bras... Puis pour moi, ça revient à, tu sais, les espèces de raccourcis qu'on voit maintenant, comme les gens qui croient que la Terre est plate, les gens qui sont contre les vaccins, la montée de la droite. Tu sais, je trouve que c'est des raccourcis réducteurs de monde de médias sociaux où on n'explique pas les choses, où c'est juste comme des espèces d'idées reçues qui deviennent des vérités parce qu'on décide de les ramener. Puis t'es juste comme, ça fait des années qu'on dit non à ça, là. Ouais. Puis aussi, comme, je trouve ça weird d'avoir à... qu'elles... Je pense que c'est plus important de déterminer c'est qui sont des femmes et c'est qui sont pas des femmes que de lutter pour les droits des femmes. Au final, là, ouais. C'est comme d'un côté psychologique, je veux pas psychanalyser, là. Ben, en fait, c'est pas de la psychanalyse pantoute, là, mais je veux pas psychologiser, mais en même temps, d'un côté, moi, tu sais, je me mets dans leur tête puis je me dis yo, Chris, c'est vraiment fucking tough me battre contre le patriarcat. C'est tellement tentant de trouver un groupe défavorisé, vulnérable, opprimé, bien plus que moi, puis de bâcher dessus en me disant que je travaille pour le féministe. Puis là, ben là, tu te dis, ah ben là, on voit les résultats de notre travail dans la forme de politique transphobe et tout ça. Ça va faire absolument rien pour améliorer la cause féministe, tout le contraire, mais... Ça donne un peu ce sentiment de réussite qui est comme tentant un peu quand la vraie lutte est tellement difficile. Ouais. Ouais. Puis ça me donne un peu, tu sais, tantôt je disais justement, les médias sautent là-dessus. Il n'y a rien comme une bonne féministe anti-trans pour la citer partout dans les médias puis tout. Puis ça rejoint un peu ce que tu disais, tu sais, j'ai un peu l'impression que les gens qui normalement devraient être attaqués par le féministe, à savoir les hommes cis en majorité, mais plein d'autres personnes, se sentent soudainement soulagés et sont comme « Ah, oh, nice, si les féministes ont décidé de fesser sur quelqu'un d'autre. » Oui, écoute, en plus, parce que c'est facile là, de faire publier là, si tu veux bâcher ces personnes trans. Ah ben oui! C'est pas comme si la personne qui était comme éditeur des perspectives dans Le Devoir allait faire comme « Ah, mais je trouve que c'est un petit peu trop transphobe. » Non, c'est toute une gang de personnes cis blanches qui s'en collissent. Ils veulent juste vendre des... Tandis que va-t'en critiquer genre Richard Martineau, puis tu vas voir qu'ils vont comment il va commencer à avoir des season de 6 puis des menaces de poursuite, tout ça, puis tu vas avoir toute sa gang de fanboy qui va t'en qui va te tomber dessus. Tellement plus facile d'aller chier ces personnes trans. Ah, c'est clair. Puis tu sais, tantôt, tu parlais, tu disais que c'était un peu complotiste, mais pas vraiment en même temps. Mais tu sais, comme les TERFs sont complotistes, là, ils essayent de nous faire croire que les femmes trans, c'est des hommes déguisés en femmes le but de les agresser. Mais elles sont juste dans des hypothèses puis des fabulations, en fait. C'est ça qui est flabbergastant. Puis on leur donne une tribune puis on les écoute. Tu sais, combien de fois on a entendu l'hostie hypothétique de des hommes qui se déguisent en femmes pour accéder à des espaces non mixtes comme des toilettes puis des vestiaires pour agresser des femmes? Je veux dire, comme c'est une hypothétique. On n'est pas sur des stats. Genre, les femmes trans qui rentrent dans des espaces non mixtes se prennent infiniment plus de violence là, qu'elles en donnent. Seulement, il y avait fait les études. Oui. C'est ça. Mais non, mais ils les font pas pour une raison. Parce qu'ils savent que c'est des fabulations, c'est ridicule. Mais c'est ça, le pire, c'est qu'on les a, les études, mais regarde, ça les satisfait jamais. Tu sais, c'est comme avec les autres, leur autre complotisme qui est comme le fait que, ils essaient de rendre toutes les lesbiennes butch en hommes trans, puis que c'est un complot des compagnies pharmaceutiques pour faire de l'argent. Il en manquait. Et ça crèvait de faim, ça, avant qu'il y ait des personnes trans, ces hormones, les pharmaceutiques. Oui. Ils ne savaient plus quoi faire pour rejoindre les deux bouts. Puis ils se sont dit, sacrément, on va lui donner l'idée. Oui. Check ce que ça va faire. Il y a du cash à faire avec les hormones. Mais le pire avec cette théorie-là, c'est qu'on est tout le temps en fucking genre manque d'hormones. Là. Genre, il y a encore au Canada, il y a une pénurie d'estrogène et de testostérone injectée. Il y a tout le temps des pénuries. Si c'était si ça faisait tant de cash que ça, pourquoi est-ce qu'il y aurait des pénuries? Parce que les pénuries arrivent parce qu'il y a des compagnies qui trouvent que c'est pas rentable, décident de baisser la production, puis là, il faut que le gouvernement trouve un autre producteur, puis c'est dans ces changements-là que tu as des pénuries. Fait que c'était vraiment tant de cash que ça, il n'y aurait jamais de pénurie parce qu'il n'y a aucune compagnie qui arrêterait de les produire. Ouais, mais c'est ça qui est fou, c'est qu'elles sont vraiment dans un truc où, genre, que l'argument soit vrai ou pas, si ça justifie leur fin, c'est un moyen, tu sais. Ils sont vraiment dans de la propagande outright, là. Moi, je trouve que le lien est clair, là. Ouais, puis, ben, en tout cas, sont chummy quand ça leur tente, là. Yeah, c'est clair. Fait que nous autres, là-dessus, on va aller se prendre un petit café. Moi, je vais aller prendre mon café en faisant un petit numéro 2, puis je vais en profiter pour me torcher avec les pages d'Harry Potter et la Chambre des Secrets. Woo! Et on vous revient dans 20 secondes. Hey! Donc, Jess a fini sa besaille dans la Chambre des Secrets qui est désormais fermée. Oui. Pour cause pestilentielle. maintenant, dans la catégorie « All billionaires are trash », sans qu'on lui demande son opinion sur quoi que ce soit, J.K. Rowling nous fait son coming out as a TERF, puis une moyenne TERF à part de ça. Elle n'arrête pas deux hosties de seconde. Ben, en fait, le truc, c'est que c'est surtout sorti en 2020, le gros buzz sur Twitter de J.K. Rowling et une TERF, mais si on se souvient bien, on a eu des gros signes avant. Oui. Surtout en 2019, quand elle a publiquement pris la défense de... C'était-tu une journaliste ou c'était une recherchiste, en tout cas, une personnalité publique en Angleterre? Parce que Angleterre, terreau fertile des TERF, là, sacrement qu'il y en a là-bas. Qui avait perdu un procès contre son employeur qui l'avait renvoyé à cause de tweets transphobes. Elle s'appelait Maya quelque chose, là, pas besoin de donner du fame, là, mais J.K. Rowling a vraiment publié genre Justice for whatever her name was. Après ça, genre, je pense que c'est le 6 juin 2020, la première semaine de Pride, parce que shameless de même, elle a partagé une critique de l'utilisation du terme « people who menstruate » qui avait été utilisé par un journal américain pour parler d'un article sur l'éducation sexuelle autour des menstruations. Fait que c'est « people who menstruate » make sense parce que c'est juste de ça qu'on parle. Fait, t'sais, elle était comme « wow, on peut même plus dire femme ». Puis à la fin du mois de juin, elle a supprimé un tweet qui faisait l'éloge de Stephen King après qu'il ait dit publiquement sur son Twitter qu'il soutenait les femmes trans. C'était juste comme « wow, she's terrible. Moi, j'aime full le genre, oh my god, il y a quelqu'un qui a pas dit le mot femme, on peut plus dire rien, ouais. On peut plus dire le ouais. mot femme. Comme, yo, genre, il y a même personne. Genre, oui, c'est nice si les gens utilisent, genre, personne qui mensure, si pas. Tu sais, genre, mais il y a personne qui a été comme dire à J.K. Rowling, tu peux plus utiliser le mot femme. Non, mais comme genre, si, comme si le mot femme était plus approprié pour aucune situation. Tu sais, je veux dire, si tu parles de personnes qui ont des menstruations, il n'y a pas juste des femmes. Fait que, tu sais, c'est pas qu'on peut plus dire femme, c'est juste que c'est pas approprié comme mot, tu sais. En tout cas, puis pas juste ça, aussi, en août 2020, elle a retourné le prix Ripple of Hope. Attribué aux gens qui ont démontré un outstanding engagement pour le changement social à la fondation de Robert F. Kennedy parce que la présidente de la fondation a critiqué ses positions sur les droits des personnes trans, fait qu'elle a retourné un prix qu'on lui avait donné pour son engagement vers le changement social, parce que t'es comme « No bitches, I don't want it, I want trans people dead », genre. Mais je veux pas gossiper, là, mais non, moi je veux gossiper, qu'elle allait se le faire, apparemment qu'elle allait se le faire enlever, puis qu'elle l'a retourné pour... Ouais, pour que ça, power pour que move, ça passe genre. Mieux, tu sais. Non, mais ça aurait été tellement beau qu'elle se le fasse enlever, mais tu sais, je veux dire, elle est stratège. Là. Puis elle est aussi milliardaire, fait qu'elle a oui. les moyens de ses ambitions, la oui. calice. Un milliardaire, je sais pas, mais millionnaire, ça, c'est sûr. Non, elle est milliardaire. C'est-tu vrai? Elle est milliardaire. Mon ouais. Dieu. Fait que, qu'est-ce que ça a comme impact, justement, dans l'espace médiatique, que les TERF aient droit à ce moment de visibilité accrue-là, puis surtout quand c'est une personne influente comme l'auteur de fucking Harry Potter, le roman qui a marqué notre génération. Ouais. Ben, ouais. Le gros danger de J.K. Rowling, c'est parce que c'est une personne comme, qui a beaucoup d'influence, puis comme quand tu checkes des kids, mais les kids, puis les personnes qui sont plus des kids, mais qui l'ont connu en tant que kid, qui connaissent rien au féminisme, puis tout ça, ben, c'est tentant de juste t'écoutes la personne avec qui tu as déjà un attachement émotionnel. Ouais. Fait que quand tu es déjà attaché émotionnellement à J.K. Rowling, ben, puis que tu connais pas l'enjeu, ben, ta position par défaut risque d'être du côté de ce qu'elle dit. Puis, en plus, c'est qu'elle ouais. elle partage, comme elle a écrit un genre de gros post Turf Wars, qui est comme le même nom que notre livre, justement. Uh-huh. Puis elle a écrit un gros post qui dit plein de faussetés sur... sur l'explosion des jeunes dans les cliniques, puis tout ça, puis de comment que c'est dangereux pour les femmes, puis que puis qui brainwash les lesbiennes, whatever, puis wow. C'est ça qui brainwash les lesbiennes, genre parce que utiliser le mot brainwash, mais en gros c'était ça. Ben oui, non, j'estime, mais de penser que les hommes trans, c'est que il y a juste un parcours, puis c'est lesbienne vers homme trans, c'est juste comme voyons là, tu sais, je veux dire, oui, ça arrive, mais il y a plein de parcours peu transitifs différents. Ouais, mais ça fait partie de l'idée que comme quoi, ah, mais dans le fond les personnes trans, c'est comme juste des personnes qui veulent devenir straight pour parce que c'est plus facile à être straight. Puis comme first of all, dans quel monde c'est plus facile être une personne trans straight que une personne cis gay, genre that's genre c'est comme la pire partie là, ils sous-entendent là, tu sais, c'est comme cette petite histoire que les femmes trans c'est des hommes qui se déguisent pour commettre des agressions sexuelles là, plusieurs choses. Premièrement, dans ma tête à moi là, un gars qui tient à ce point là à faire des agressions sexuelles ne sera jamais capable d'exprimer une once de féminité. Mais non, mais il y a aussi first of all, il y a aussi un truc de comme they can get away with it. Pourquoi il s'infligerait oui, c'est ça. La misogynie, la transmisogynie et tout. C'est comme, je veux dire, c'est niaiseux, là, ça n'a pas rapport. Je veux dire, la grande majorité des hommes en ce moment commettent des agressions et n'y arrivent à rien. C'est comme tellement, comme la... honnêtement, genre, c'est comme la pire idée si tu veux, si t'es un agresseur sexuel, là, genre, comme tout le monde va te regarder, tu vas être full remarqué. Ben oui! Genre, c'est vraiment la pire idée. Il y a tellement comme des millions de... puis je dis pas ça, je veux dire, personne ne devrait... Just don't do it. Mais juste comme logiquement, leur idée conceptuelle marche pas. Puis là, il y a l'idée de comme quoi c'est des... Dans le fond, c'est des femmes cis lesbiennes qui deviennent des hommes trans parce qu'elles sont pas capables de supporter la lesbophobie puis le sexisme. T'es comme, yo, mais c'est parce que, first of all, t'as-tu vu comme la vie des hommes trans? Genre, c'est pas plus facile, de un. Mais de deux aussi, il y a pas vraiment beaucoup de personnes trans qui sont straight, là. La plupart des personnes trans sont bi, pansexuelles. Le pourcentage ouais. de personnes trans straight, c'est comme 5 à 15%. Ah ouais? Tu vas pas aller chier loin avec ta théorie de comme quoi que tout le monde transitionne parce que c'est une question d'orientation sexuelle. Ouais. Parce que comme, disproportionnellement, c'est pas une question d'orientation sexuelle. Mais là, souvent, ils vont dire, ah oui, mais dans les cliniques, nanana, mais l'affaire, c'est que les cliniques, ben, c'est le monde qui y vont, c'est principalement des personnes qui veulent certaines chirurgies, ouais. Principalement bottom surgery, puis ben, veux pas, il y a un lien entre l'orientation sexuelle et les désirs chirurgicaux, parce qu'à un moment donné, ben, on vit pas dans un vacuum social, puis veux pas, ben, si tu dates comme des filles straight, c'est plus facile d'avoir un pénis. Mais comme ça, c'est une question complètement distincte de la question de pourquoi tu transitionnes in the first place, là. Oui, il y a une grosse différence entre pourquoi tu transitionnes et comment tu transitionnes. Ouais, non, c'est ça. Puis c'est surtout comme, oui, ton orientation sexuelle va potentiellement avoir un impact sur comment tu transitionnes, ce qui est très différent de la question de savoir de si tu vas transitionner ou pas, tu sais. Ouais, c'est vrai, ça, c'est un bon point. Mais pour revenir à notre auteur de roman fantastique préféré, là, ouais. Est-ce que c'est possible de cancel l'auteur du roman qui a marqué notre génération au grand complet? OK, moi j'ai une take là-dessus, avant qu'on s'embarque là-dedans. Là. Ah ouais, vas-y. Là, en ce moment, là, les fans d'Harry Potter se trouvent toutes les raisons possibles pour finalement séparer l'artiste de son œuvre, parce ouais. que pour J.K. Rowling, ça a l'air que c'est correct. Mais là, on va se le dire. Là. Harry Potter, là, avant que J.K. Rowling soit turf, c'était quand même bien rien avec une gang de blancs et de blanches, avec un seul personnage asiatique qui s'appelait Cho Chang, avec des banquiers qui sont un stéréotype antisémite épouvantable, et l'arc narratif d'Harry Potter, c'est combattre le fascisme, devenir policier. Fait que là, c'était oui. déjà pas si hot que ça. Oui. First of all. Deuxièmement, c'est pas parce que c'est le roman qui a marqué votre enfance que soudainement, on peut plus canceller J.K. Rowling. Oui, I canceled. Non, tu peux plus vraiment te promener partout avec ton coton ouaté de Poudlard ou de Hogwarts pour les puristes. Non? Ben, la seule utilisation d'affaires Harry Potter que j'accepte, c'est dans des scénarios BDSM de dégradation, le scorec, mais sinon non. Ben, moi, il y a aussi un truc où c'est un peu comme Michael Jackson, où sa marque sur la culture globale est faite. Tu peux, je trouve que c'est... Ouais. C'est vrai que ouais. c'est difficile. C'est-à-dire que oui, cancel J.K. Rowling, genre, fuck her, elle est billionnaire, on s'en calisse. C'est vraiment plus un truc de comme, la marque sur la culture globale, elle reste, mais n'empêche qu'on peut limiter son impact, puis on peut rappeler que l'auteur est transphobe quand ça vient sur le sujet aussi, tu sais. Ben oui. Je trouve qu'il y a un truc où on peut ne pas devenir complice sans nécessairement arriver à éliminer toute trace de ce phénomène global-là, puis aussi comme... Rappeler qu'on a d'autres options aussi. Là. Oui, ce livre-là a marqué notre génération, mais c'est comme Michael Jackson, il y a plein d'autres tunes. On n'a pas, pas à jouer ces tunes-là. Ouais, mais là, c'est parce qu'il y a comme un jeu d'Harry Potter qui s'en vient. Là. Ouais. Elle essaie encore de faire du cash, donc ouais. Elle ne dit pas plus de cash, mais ça veut pas dire, à un moment donné, si tu as déjà tes livres Harry Potter et tout ça, genre, je vais pas aller te tordre le bras pour que tu ailles les crisser dans un bonfire. Là. mais en même temps, va pas acheter son nouveau livre, là, tu sais. Surtout que son nouveau livre, l'histoire, c'est un homme qui se déguise en femme pour commettre des agressions sexuelles. Là. C'est ça, son prochain livre. Là. En plus, il y a un beau petit spin islamophobe qui va avec. Là. C'est magnifique. Wow! Hey, on est gâtés, la gang. Full là. Circle. Mais, tu sais, est-ce qu'on aurait tous share des doux souvenirs de la franchise d'Harry Potter avec nos enfants? Probablement, tu sais. Le truc, c'est que... tu sais, mettons, je sais pas, le Roi Lion, toutes les millennials, genre, parlent du Roi Lion à leurs enfants puis disent comment que c'est leur truc d'enfance. Puis, ben, tu sais, oui, la version CGI est absolument rien de nouveau puis un peu plate, mais pas problematic as fuck, tu sais. Tandis que c'est vrai que moi, Harry Potter, ben, c'est pas vrai que je vais en parler de la même manière à mes enfants, tu sais. Non. Non, puis tu sais, en tout cas... C'est ces enfants-là que j'attends avec impatience. Parce qu'il y a d'autres films de la franchise Harry Potter qui s'en viennent. Là, je pense qu'il y a une série là, qui est partie, là, Fantastic Beasts and Way to Find Them, là, quelque chose de même. Elle a tout le capital du monde. En plus, avec la personne qui joue le personnage principal qui défend J.K. Rowling. Oui, puis qui a déjà lui-même joué le rôle d'une femme trans. Alors que c'est un homme cis. Tu t'attends à quoi des mecs cis qui jouent des femmes trans? Ouais. Oui, effectivement. Là. Puis là, je sais qu'il y a un jeu qui s'en vient. C'est pas mal trash à la base. Là. Ouais. Puis là, tu sais, il y a le jeu Hogwarts qui s'en vient. Puis là, je vois du monde sur Facebook qui sont comme « Ah, mais là, il y a un jeu qui s'en vient, mais J.K. Rowling cancel, je sais pas quoi faire. Tu l'achètes juste pas. » C'est ouais. ça qu'il faut faire. Honnêtement, genre, si le studio voulait vraiment être pas transphobe, ils feraient juste rebrander leur jeu vidéo pas J.K. Rowling, pas ouais. Harry Potter. Ouais. Ça se fait ça, là, regarde, t'es pas... Tu refais les affaires, puis c'est plus J.K. Rowling, c'est rendu quelque chose d'autre. Ouais, mais l'affaire, c'est que ça vend, tu sais, puis qu'ils savent qu'ils vont vendre avec ça. C'est quelque chose qui vend tellement que... Ça pourrait s'appeler Harry Potter. ça pourrait. C'est ça, ils veulent faire... En gros, ils veulent faire du cash. Mais sur, oui, c'est ça. Sur le dos de J.K. Rowling, c'est ça l'affaire, tu sais. Non, c'est ils ça disent, ah, que... oh, mais c'est pas J.K. Rowling, mais en même temps, c'est J.K. Rowling. Mais ce qui est terrible aussi, c'est que le fait que cette personne-là continue d'exister dans l'espace public, puis de vendre des affaires, puis de faire de l'argent, ça légitimise son discours. T'sais. Le message que ça envoie, c'est tu peux tenir un discours qui est fucking violent envers les personnes trans, puis encore être une personnalité connue qui fait de l'argent. Là. C'est trash. Mais non, c'est avec son livre qui a fucking bien vendu en plus, là, pis là, t'es comme, ok, mais fuck you, là. Ouais. Ah, c'est sûr que ça y fait de la pub. C'est sûr que ça y fait de la pub. Ouais. Ben, c'est pour ça aussi qu'elle fait, elle se voit vraiment comme une justicière de la critique du genre qui va trop loin, là. C'est comme ça qu'elle se perçoit, là, t'sais. Ouais. Ah, pis le monde aime, écoute, le monde aime ça, là. Le monde aime tellement fucking ça, le contenu transphobe, là. Moi, quand je publie des affaires, genre, côte à côte avec, comme, moi, l'exemple le plus parfait, c'était quand il y avait eu le débat avec CBC Doc, puis s'ils devaient jouer un documentaire sur les cliniques de genre. Puis il y avait Kenneth Zucker dedans, puis tout ça. Puis, genre, il y avait un débat sur est-ce qu'ils devraient l'enlever ou pas. Puis en tout cas, CBC l'a enlevé. Puis là, ben moi, j'avais écrit comme une défense de ce choix-là. Puis la même journée, en même temps, ils ont publié quelqu'un qui était contre le choix dans une position super transphobe. Puis regarde, écoute, elle s'est fait lire genre comme 4 fois plus que moi, là. Ouais, c'est trash. Mais c'est parce qu'en même temps, c'est ça, c'est du contenu qui conforte les idées reçues puis le statu quo. Ouais. Fait que c'est sûr que le monde est soudainement donc féministe quand c'est quelqu'un de transphobe, là. Mais c'est pour ça que le both-sidism, ça marche pas. Tu sais, les journaux sont tout le temps comme, bah si t'aimes pas ça, publie... une réponse, tout comme oui, mais Chris, la réponse, ça va se faire lire genre un dixième du nombre de fois. Là. Ouais. Puis tu sais, tantôt, Charlie disait, c'est quoi l'impact d'une personne comme J.K. Rowling qui sort dans les médias? Je veux pas être overly dramatique, mais un des impacts majeurs en ce moment dans la plupart des sociétés mondiales, c'est que les femmes trans se font assassiner. C'est un des impacts de la transphobie. Mais ça va jusque-là, mais il y a aussi comme plein de manières ordinaires où les gens se sentent confortés dans leur transphobie, puis où ça devient plus un enjeu parce qu'elle est décomplexe, là. Oui, c'est ça, les gens se sentent autorisés. Mais non, c'est ça. Puis ça autorise les gens, puis tout ça. Puis, écoute, il y a aussi beaucoup de révisionnisme par rapport à ça. Puis là, ça mène à des affaires comme, tu sais, déjà, ben, entre autres, comme un des mythes qu'elle avait dans ce qu'elle avait écrit, c'est l'idée que le changement proposé au gender Recognition Act au Royaume-Uni allait comme donner accès aux toilettes aux femmes trans, tout ça, ce qui est faux parce que l'accès aux toilettes est dicté par une autre loi qui existe depuis 2010. Fait que les femmes trans ont déjà accès aux toilettes. Imagine s'il fallait qu'elles pissent, esti. Ben c'est ça. Fait que, incroyable. Mais là, ça donne l'idée que, ben, en attendant, ils n'ont pas le droit. Fait que là, le monde qui lit ça ont l'impression que la loi dit que. C'est un peu la même affaire qu'on a vu au Québec avec l'idée de. Avec PDF Québec qui dit oh, mais on n'a même pas été consulté avec la loi de 2015. Puis là, ça donne accès aux toilettes aux femmes trans. Je suis comme yo, les femmes trans ont le droit d'aller aux toilettes des femmes depuis 98. Ouais. Genre, c'est pas nouveau, là, c'est juste que tu connais pas ton droit, fait que tu dis des conneries. On rappelle que PDF Québec, c'est pour les droits des femmes, puis que c'est genre la gang à genre. C'est qui, genre? C'est Jeannette Bertrand, Edith Cochrane, toute cette gang-là qui ont vraiment pour les droits des femmes, PDF? Genre, PDF, là. Ouais, genre, comme si c'était pas déjà un acronyme qui voulait dire quelque chose. Je suis comme, voyons, esti. Mais il y a du overlap, mais c'est pas. Mais je pense pas que Jeannette Bertrand est dedans, là. Mais c'est comme Nadia El Mabrouk, puis Diane Guibeault, puis cette gang-là. Fait que la gang des grosses turfs du Québec qui ont beaucoup de liens avec le côté Jeannette Bertrand, puis tout ça, là, parce que c'est comme là, son chummy avec à cause de l'islamophobie, là. Parce que PDF Québec, ils ont comme deux gros mandats. Un, lutter contre les femmes trans. Deux, lutter contre les femmes voilées. Fait que c'est comme leurs deux gros mandats. Wow, ouais. Wow, deux belles missions, cinq. Non, mais c'est ça, ils connaissent leurs objectifs, puis they go for it. Des belles priorités, si quand même. Si tu veux, tu peux, PDF, ah ouais. Parce qu'ils ont été créés quand la FFQ était dans les débats pour leur vote sur pour ou contre la Charte des valeurs. Ouais, c'est dans tout ce temps-là, une belle époque. Puis moi, je trouve ça drôle parce qu'ils se disent comme des grandes féministes, t'es comme, yo, qu'est-ce que vous avez fait à part bâcher ces personnes trans? Non, c'est ça. Ouais, c'est ça, sérieusement. Pour revenir un peu à J.K. Rowling, je pense qu'une de ses grandes forces, puis ça marche avec beaucoup de turf, c'est que quand elle se fait attaquer pour ses propos transphobes, elle se pose directement en victime. Et je me demandais comment est-ce qu'on peut déjouer cette espèce de logique circulaire-là de ce que je dis est vrai parce qu'on veut me faire taire. Je veux dire, je pense que dans une certaine mesure, on ne peut pas la déjouer dans la mesure où tu ne peux pas démontrer, tu ne peux pas convaincre quelqu'un qui est déjà qui a déjà bu le Kool-Aid. Mais tu peux montrer que justement, first of all, les personnes qui veulent te tout le monde, il y a tout le temps quelqu'un qui veut te faire taire là, parce que comme moi, quand il y a quelqu'un qui dit des conneries, je veux juste qu'il se ferme la gueule. Ouais. Ça veut rien, ça dit rien d'intéressant sur ce qu'ils disent, surtout quand c'est pas des personnes qui se font opprimer pour qui ils sont, tu sais, c'est pas, il y a une grosse différence. Et de deux, ben ça réussit clairement pas. Ouais. Tu sais, si on voulait la faire taire. Ouais, ouais, ouais. Clairement, regarde, clairement, que, first of all, il n'y a personne de trans qui a le pouvoir de la faire taire. Il n'y a jamais une turf qui s'est fermée à gueule non plus, là. Non, c'est ça. Ça marche pas parce que les personnes disent... Parce que les personnes trans disent qu'on ne devrait pas donner des plateformes aux personnes qui disent des conneries qui sont violentes. Puis après ça, ben, les personnes sont comme « Oh non! » Ils me disent, ils sont méchants avec moi, fait que là, ils se font donner comme plein de plateformes, puis ils font ouais, fou de cash. Pour aller brailler sur comment que les personnes trans veulent donc les faire taire, alors que les personnes trans n'ont absolument pas le pouvoir de les faire taire. Ouais. Ça, puis je pense que ça, c'est important de voir le côté structurel de l'oppression, puis je pense que ça le démontre bien, c'est que l'oppression, ça a rapport avec un système de pouvoir, puis ce qu'on voit ici, c'est que le système de pouvoir est vraiment en faveur des discours. Ouais. Absolument. Ben, écoute, sur ce triste constat, hein, je pense que on va aller se chercher un petit café en observant dans la pancine de Dumbledore quand est-ce que ça a commencé à chier avec J.K. Et on vous revient dans 20 secondes. Fait qu'on est revenu de la pancine de Dumbledore, on a vu le sombre passé de J.K. et son origin story qui a fait d'elle un villain. Ça nous l'a pas rendu sympathique, on a même pas envie de vous le raconter. Et on se rembarque dans l'épisode... Ouais, moi, j'ai craché dans la pancine dès que j'ai vu J.K. Rowling. Ah ouais! Bam! Ce qui est chiant avec les TERF, c'est qu'elles sont alignées avec des politiques rétrogrades ben dans l'air du temps, comme je disais tantôt avec la montée de la droite, du conservatisme, de la désinformation. Fait qu'en conséquence, ça semble impossible de discuter sainement avec elles pour les amener à se solidariser des luttes trans dans leur féminisme. Uh-huh. Fait que rendu là, on en fait quoi des calices de TERF? Moi, j'ai tout le temps, j'ai un peu la même approche avec les TERF qu'avec les autres groupes anti-trans. C'est, je parle pas pour changer l'opinion des TERF, je parle pour changer l'opinion des personnes qui regardent mais qui sont pas sûres de ce qui sont ouais, de ce qui se passe. Fait que, souvent tu vas voir ça, t'es dans, c'est pour ça que je suis allé à Zone Franche, pas parce que j'aime ça ces débats là mais parce que first of all je savais qu'il allait avoir des débats un peu à la con, puis je voulais être sûr qu'il y avait quelqu'un qui a un peu de répartie qui allait être là. T'sais, quelqu'un qui allait appeler Sophie Durocher snob à la TV. Ouais. Yes. Ah, yes. Puis qui allait avoir faire la reconne à Diane Guibault, mais malheureusement, ils ont coupé ce segment-là. Ah. C'est correct. Il y a deux fifs le matin pour pouvoir ramener tes faits d'armes ouais, dans sais, le podcast. Mais c'était triste parce qu'on a eu un tête-à-tête, puis là, il était comme blablabla, bla, bla, les toilettes, blablabla. Bla, bla. Puis là, j'étais comme, yo, c'est parce que tu connais pas ton droit, là, parce que, genre, les toilettes, c'est pas géré par l'article 71 du Code civil, c'est géré par l'article 10 de la Charte québécoise, qui est notre loi qui protège l'égalité. Oui. Puis c'est dans le jugement, ça a été, il y a eu le droit aux toilettes. Je veux dire, les personnes trans ont été reconnues, protégées en 98 dans le jugement commission Maison des jeunes versus son droit. Et avance. Et tout de suite après ça, dans Sheridan Investment, en Colombie-Britannique, ils ont dit que les femmes trans, peu importe s'il y avait eu des chirurgies génitales ou pas, pouvaient aller aux toilettes des femmes. Fait que, tu sais, ça date de quand même un méchant bout. Ouais, ouais, là, c'est... Ouais, c'est pas d'hier. Non, c'est pas d'hier. Ça fait comme 21-22 ans. C'est ça. Ils ont vécu le bug de l'an 2000 puis ils savaient, là. Tu sais, je veux dire, wake up, là. Fait que c'est ça comme, ah, oh, c'est tout nouveau, puis comme, non, c'est pas nouveau. C'est comme no, bitch, you Jordan haven't been keeping up. Genre, c'est ça qui se passe, là. Comme quand Jordan Peterson était comme, ah, oh, non, on va plus pouvoir rien dire à l'université quand ils vont passer C16, blablabla. Puis là, je fais comme, mais dude, parce que C16, c'est juste pour les lois fédérales, puis toi, ben, l'université, c'est sous les lois provinciales, puis la loi a changé en 2012, puis t'as même pas remarqué. Genre. Non, mais ils sont encore listes de ces détails-là, en fait. Ils n'iront pas chercher les vraies informations. Ouais, ils veulent juste la tribune pour chialer. C'est pas un mouvement qui répond du factuel et du vrai, là. C'est vraiment des gens absolument. Qui... Absolument. Mais quand tu leur réponds ça d'en face, les personnes qui écoutent, peut-être qu'eux, ils vont se dire « Ah, ouais, mais... » Je vais aller voir ça, moi. Ouais. Ben, pour en revenir à, genre, c'est qu'est-ce qu'on fait, comment on dispose des maudites turfs, puis quand est-ce qu'ils passent les vidanges... moi, je trouve ça plate de devoir y aller à l'offensive, mais je trouve qu'elle n'hésite pas à être violente puis à avoir un impact fucking violent. Fait que je trouve qu'à un moment donné, mais c'est legit de bashback aussi. Là. Comme tu disais, l'important, c'est les gens pas convaincus qui tombent pas dans le turfiste, mais tu sais, ouais. Je pense que c'est vrai qu'il faut créer un monde où il n'y a pas de doute que c'est une honte puis que c'est rétrograde d'être turf, puis il faut les amener. Tu sais, comme si il faut être radical puis pas fin pour les amener là, mais moi je suis prêt à le faire pour vrai. Là. J'ai pas envie de les prendre par la main pour faire comme pour qu'elles comprennent qu'elles ont des idées fucking rétrogrades fondées sur rien puis que ça a pas d'allure là, tu sais. Ouais. Ben oui. On est tous d'accord. Bon, ben, Chris. Bon, merveilleux. On peut-tu imaginer un monde où le turfism, là, ça c'est. Je sais pas si. Moi, je vais dire que je l'ai inventé ce terme-là. Moi, je vais dire qu'il y a personne avant qui l'a jamais dit. OK. Mais. Je te donne ça. En tant qu'académicien de la langue française, ouais, je te la donne celle-là. Merci, Jess. Est-ce qu'on peut imaginer un monde où le turfism, c'est reconnu comme du discours incitant à la haine qu'on peut prévenir / guérir efficacement? Genre, toi, Florence, qui connais bien le droit, tu penses-tu que ça. Ouais, ben, écoute. D'un côté, je pense que potentiellement, oui. En même temps, j'ai certaines difficultés avec toutes les lois par rapport au discours haineux dans la mesure où ça demeure quand même une approche très carcérale qui ne va pas nécessairement au fond du problème. Puis en plus, souvent, c'est que... je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais il faut avoir l'accord de la procureure générale pour pouvoir même avoir des charges pour incitation à la haine sous le code criminel. La plupart des provinces n'ont pas de version provinciale qui ne sont pas criminelles. Fait que ça nous rentre un peu dans un système carcéral qui n'est pas vraiment police. Fait que moi, ce que je trouve qui est plus souvent... c'est plus souvent intéressant de plus souligner incitation, peut-être moins à la haine qu'incitation à la discrimination, parce que souvent on voit que dans les politiques internes et de beaucoup d'organismes, souvent il va y avoir des valeurs qui disent on est contre la discrimination et on a des politiques comme par exemple les bibliothèques ont souvent des politiques comme justement à Toronto, puis ça fait partie du problème, l'interprétation de ça, mais l'incitation à la discrimination était contre les valeurs de la bibliothèque de Toronto et donc n'aurait pas dû laisser Meghan Murphy avoir cette salle-là. Mais là, ça a donné que Vicky Bowles ou quelque chose comme ça, qui est la bibliothécaire en chef, elle est comme full pro-turf, fait qu'elle a dit « Ah, oh, ben oui, c'est correct ». Puis il y a eu justement une demande d'accès à l'information qui a démontré que ça y a pris genre 10 minutes à accepter le booking. Là. Fait que clairement, il n'y avait pas eu d'analyse en droit de la personne, tout ça. Mais je pense qu'en accent vraiment plus sur, moins sur l'angle criminel qui est impliqué par l'incitation à la haine, puis plus sur, ben, d'un côté, oui, c'est de la haine. Peu importe si on parle sur le plan légal, là, on parle sur le plan purement comme social, c'est de la haine. Puis sur le peut-être un peu plus plus légal, vraiment, c'est plus sur l'incitation à la discrimination parce qu'il y a vraiment beaucoup de, d'organismes puis d'institutions qui sont vraiment contre ça puis qui ont une définition expansive parce que n'étant pas le poids de l'État avec le droit criminel, ont justement cette latitude-là de définir ce qui est un discours inacceptable ouais. un petit peu plus largement et vont inclure l'incitation à la discrimination, ce qui est une limite qui fait beaucoup plus de sens dans un contexte civil et privé que dans un contexte criminel. Ouais. Et à travers ça, on y va vraiment plus avec des pressions sociales ouais. et du platforming plus que des sanctions étatiques. Fait qu'en attendant, qu'on puisse peut-être rendre le turfism de l'incitation à la discrimination puis faire du changement social, comment toi qui es, according to mon humble avis, the funniest person on the internet and kind of a troll, comment on troll les turfs comme du monde? Mais il y a vraiment beaucoup de façons de troller les turfs. Il y a ouais. vraiment beaucoup de façons de troller les turfs. Puis moi, je peux juste partager ma façon préférée. Yes. Mais moi, la façon préférée de troller les turfs, c'est de juste les... C'est comme de double down dans leur discours. Fait qu'ils vont dire, mettons, comme, « You're just a man. » Fait que moi, je vais répondre, « Oh, but am I a pretty man? » Puis ils sont comme... « Ah, oh, mais t'es juste un homme. » Mais oui, mais moi, ça m'importe pas si je suis un homme. Est-ce que je suis belle? C'est ça qui est important de savoir. Yes, yes, là, yes. Tu leur fais des beaux petits yeux, là. Puis genre, juste comme les niaiser de même, c'est tellement délicieux. Puis je pense que le truc vraiment, c'est de se rappeler que le trolling, on le fait pour soi-même. Et ouais. donc, il faut voir qu'est-ce qui te fait plaisir comme trolling. Yes. C'est vrai ça, parce que tantôt, tu disais justement, genre, moi, j'essaye plus de démontrer qu'elles ont tort. Genre, c'est, on en a parlé un peu, là, ces gens-là répondent pas à des faits. Fait que je pense que c'est important, effectivement, de. Puis on en a parlé il y a pas longtemps dans l'épisode de la colère, genre, que des fois, tu vas pas dans un espace pour débattre. Non. Tu vas pas là pour être poli puis expliquer quelque chose à quelqu'un. Tu t'en vas juste là, genre, pour que de un, les personnes qui lisent se rendent compte qu'il y a une opposition à ces gens-là. Et de deux, ben, calice, pour te faire plaisir, puis les envoyer chier. Ah, puis... ouais. Mais souvent, c'est ça aussi, hein. Souvent, troller dans les débats politiques, c'est vraiment juste de pas. C'est comme, c'est difficile de provoquer intentionnellement la colère. Il faut que tu aies l'air unbothered, là. Ouais. Puis que tu sois ouais. juste messy, puis chaotic, puis ça les rend folles. Oui. Ah, puis écoute, ça, c'est un truc que j'ai pas tant utilisé sur les turfs. Je l'ai plus utilisé sur des personnes conservatrices, mais. Honnêtement, juste comme quand le monde parle, puis tu fais juste répondre des gifs qui niaisent d'eux. Ouais. Ça les frustre. Ah ouais. C'est quoi l'application que t'as pour mettre ta face sur des gifs là que Ah, c'est FaceApp, je pense. Imagine FaceApp, là, tu mets leur face à eux autres sur des gifs là. Ah, oh, ça serait parfait. Yo. Ça serait trop bon. Ouais. Non, c'est Reface l'application. Reface tout le monde. Reface. Ils nous sponsor nice. Même pas, puis on est là à leur faire de la grosse pub pour troller les turfs. Ouais, c'est sûrement un logiciel d'espionnage russe, anyway. Là. Voilà. Ils ont toutes nos faces, là. Fait ouais, que... Non, c'est ça. On s'en va-tu chercher un dernier café au fin fond de la sacoche d'Hermione? On va se rentrer le bras là-dedans, puis on va trouver la cafetière quelque ouais, part. Oui, ouais, en espérant trouver le cadavre de J.K. Rowling. Ouh. Moi, tout ce que je dis sur ce podcast-là est passible d'une poursuite. C'est l'enfer. À part pas français, là. Oui, correct, là. Jusqu'à temps que quelqu'un dise qu'on a dit ça, là. Puis ben là, si meilleur turf... podcast de Montréal, elle va le savoir. Ben oui, mais pour essayer, il y a une turf qui écoute, puis elle s'est rendue jusqu'à cette rendue-là. Bravo, fille, là. Ouais, tu mérites. tu mérites de nous haïr. Moi, je plead the fifth, comme on dit en droit. Ah, moi aussi, je plaide toujours le fifth. Toujours. Le fifth! Moi, je plaide le fifth à tous les jours. OK, à vos cafés, là. À vos cafés, on va rien dans mes secondes. C'était tout pour notre émission cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Florence, t'as-tu des plugs? Oui, ben si vous voulez me suivre sur Twitter, apparemment que mes tweets sont drôles, fait que je suis at but not the city parce que je suis Florence but not the city. Oh! Rire en italien. Puis je viens de me partir une petite affaire tout nouveau. Je me suis parti un genre de podcast où je fais juste comme lire mes textes académiques. Comme ça, les gens qui veulent juste, je sais pas, qui sont en train de je sais pas, bâtir une table parce qu'ils sont lesbiennes ou je sais pas. Ou s'ils veulent juste genre se masturber à ma voix, whatever. J'ai un nouveau podcast qui est comme sur Spotify, Apple Play, tout ça, puis c'est Florence Ashley, puis le titre du podcast c'est The Sky is Trans, Why Wouldn't I Be? C'est tellement cute. J'adore ça. J'adore ça. Vous pouvez me suivre là-dessus, c'est sur toutes les beaux affaires de podcast, là, fait qu'il est comme sur Anchor.fm, sur Apple Play, sur Spotify, puis tout ça, là, fait que vous allez être capable de me trouver. De toute façon, c'est sûr qu'on va share le podcast sur tous nos réseaux sociaux qui ont de l'allure. D'ailleurs, vous pouvez nous suivre. Vous pouvez. Partout où ça vous tente. Non, c'est pas vrai. Suivez-nous pas dans la rue, essayez pas de trouver où est-ce qu'on habite. Faites pas ça, guys. Vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux qui ont de l'allure. Alors, à 2 fifs le matin, comme toujours, 2 le chiffre 2, fif avec un X à la place du I parce qu'on veut pas se faire chatter par la police des mœurs. 2 fifs le matin, en un mot. Et merci beaucoup, Florence, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Yes! Ben, d'avoir été avec nous, les gens le savent, là, t'es à Toronto. Toronto. Alors, bonne chance à Toronto. De toute façon, là, il est 8 heures, d'après moi, la ville est fermée, faut être couché, toi, là. Non, c'est Ottawa, ça. Ah, OK, ça... Oh, my God. Hey, oh, there's a guy. Toronto jusqu'à 9h30, quand même. Ah, oui, OK. Correct, là. Ouais, non, c'est... Écoute, je vais pas aller défendre Toronto, honnêtement, là. Bon. C'est juste qu'après avoir passé un an à Ottawa, je suis comme, oh, my God, c'est une vraie ville. Oh, c'est beau, ça. Fait que le truc pour endurer Toronto, déménager à Ottawa avant. Voilà. Fait qu'on s'en voit la semaine prochaine, les Moons. Bye, les Moons. Bye. Bye.